Ouais. Ceux qui disent ceux qui sont dans le coup, disent, ouais, ils se prennent au sérieux le protocole. Je m'en donnerai une autre impression. Quand je suis obligé de rencontrer quelqu'un, je ne peux pas perdre de temps avec la bonne impression, je me sers du pouvoir de la connaissance. Fait que je peux aller au restaurant, tu sais que je peux te donner un exemple d'un événement qui est arrivé à Vancouver. Le président de la Banque royale du Canada était là dans le restaurant. J'étais allé à la table, j'ai parlé de sa belle-mère, j'ai parlé de toutes ses patentes. T'es plus content. Fait comme ça, c'est encore la loi d'impression, c'est même encore plus haut. Et c'est ça qui fait les mecs, la loi d'impression. Exactement. Une fois que ça allait servir, c'est ta brise. Ouais. Absolument, tu fais les deux. Oui. Quand tu crées une forme, tu dois être capable de la briser. Si t'as créé et que t'es pas capable de briser, t'as les prisonniers. C'est exactement le cas des mains. Tu vas capable? T'es les scouts comme ça, ils ont fait le bout de l'espoir. Très chaud. Ils sont tous si dépendants un bout de l'autre de la loi de Dieu. Exactement. Un homme libre est capable de créer une forme et de la briser. Il est libre. Mais c'est dur de comprendre ça psychologiquement. Parce que psychologiquement, on interprète toujours le rôle de la femme en relation avec l'émotivité qu'elle dégage. Par exemple, tu vas au musée, tu vois une calandre. Si je dis, ils ont pas de la merde, ça. Je crée une forme pour l'esprit de l'autre. Je crée une vibration. Ma petite fille, elle est trop petite. Fait qu'elle dit ça va pour être raison, papa. Elle va devoir avoir une bague. Il dit, ça t'empêche pas d'apprécier le tableau, mais ça te fait faire ce que le salamandre va faire. Parce que quand t'es conscient, t'as pas besoin de forme pour apprécier comme ça. Là. Tu sais si c'est un beau tableau, si c'est plaisant. C'est un jeu de l'esprit. Mais faut que tu sois dans l'esprit. C'est une plie importante en mouvement. Ah ouais. C'est très important, si tu veux, l'enfant. Je m'envoie une exposition peinture à Salle Bonaventure une fois. Puis j'accroche le peintre et j'ai dit viens ici. Pas de main. J'accroche par le bras. Mais pas de main, je l'ai pris en dessous du bras. Tu sais, cavalièrement en dessous du bras. Là, je suis amené un tableau, j'ai dit ça, c'était votre plus beau tableau. Toi, j'ai tout parlé de son tableau, puis j'ai révélé des affaires dans son tableau qu'il avait vraiment vu, là, parce que les peintres, ils ne voyaient pas si fort. Il sent, puis il voyait ça. Il était absolument fasciné devant. Il était content. J'ai parlé pendant une demi-heure de temps, il était absolument content, il était revu. Après ça, je suis parti. Puis j'ai dû faire l'opposé. La loi de la forme. Parce qu'éventuellement, tu vis dans la vie. Tu sais, on vit dans la vie. On vit pas rien que sur une île. Tu rencontres du monde, puis ce qui arrive, c'est ça qui est très intéressant. C'est que quand tu es dans la loi d'impression, quand tu es conscient, t'es dans la loi d'impression, automatiquement, la vie devient bien fun parce que le monde, c'est tout des marionnettes. Fait que tu fais ce que tu veux. Tu respectes tout le temps parce que tu es conscient, mais tu fais tout ce que tu veux parce que les gens sont pas capables de comprendre ce que tu fais. Fait que toi, tu t'amuses. Mais comme tu t'amuses avec un aspect, eux autres, ils s'amusent avec toi. Tu veux faire plaisir, puis ils savent pas comment est-ce que tu veux faire plaisir, puis pourquoi, puis quelle est la dimension du plaisir. Fait que tout ça te fait un échange. C'est un autre mot, ça, que j'en peux pas, manipulation, parce que ça fait friquer tout le monde. La loi d'impression, c'est une loi de manipulation. Respectueux, tu n'es pas. Et ça. Bernard, je crois que personne ne l'a déjà dit ça aussi. On entend. Cette loi, quand tu dis que cette loi là c'est la base de la psychologie, c'est tellement vrai que les gens qui deviennent conscients, moi j'ai dit souvent à des gens, la psychologie, ça n'appartient pas aux psychologues. La psychologie supplémentaire, ça appartient aux gens qui comprennent cette loi-là. Mais quand je dis ça, Parce que moi, je suis psychologue, il y a du monde qui vont rire, bon, ben, ça y est, on va commencer la psychologie pour entrer en contact avec le monde, parce que le psychologue, c'est celui qui, sa job, ses règles en contact avec le monde. Alors qu'il ne faut pas être psychologue pour entrer en contact avec le monde, parce que si tu es psychologue supplémentaire, c'est là où c'est important d'être psychologue supplémentaire. Mais il faut avoir les connaissances nécessaires, nécessairement, de la psychologie intellectuelle. Tu sais, il y a des gens qui essayent de faire comme ils pouvaient quand ils trouvent bon dans les choses. Ils prennent la forme. Par exemple, mettons Bernard, toi tu perds, OK? Bon, moi je commence à te comprendre. Bon, ça y est, je vais commencer à avoir le but de parler. Bon, si moi je perds, puis je suis psychologue, il y a du monde qui va vouloir, qui aimerait ça être psychologue pour être capable de parler. Il pense par la forme du psychologue. Mais le psychologue, c'est une forme. Être psychologue dans le plan supplémentaire, il faut être une forme, c'est être capable d'utiliser les voies de la méditation. Parce que le psychologue, c'est un manipulateur. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'est pas conscient, quoi, les psychologues, vous voyez, vous avez des consciences, là. Il joue, il manipule tellement, il prend de l'argent en fouillant des flips astrales du monde. Des flips du monde, c'est le faire. Bon, mais le psychologue supplémentaire, il faut qu'il devienne conscient pour ne plus jouer dans les trucs du monde, mais jouer avec la loi de l'impression, c'est-à-dire qu'il sache qu'est-ce qu'il fait quand il fait, peu importe qu'il soit dans la forme mécanicien, cultivateur ou garagiste ou constructeur de neuf. Tu comprends ça? Pas plus. Pas tout. Je comprends ce que tu veux dire, mais ta pensée n'est pas assez précise. Tu me dis rien. Tu parles autour de ce que chose que tu veux dire. Je vais attendre que tu me dises ce que je veux. Moi, la psychologie, ça vient de l'âme. Ça vient pas d'une éducation nécessairement qu'on a appris à l'école. La psychologie, ça fait partie de l'intelligence interne. Ben, c'est ça, c'est. On a besoin des psychologues pour les psychologues. Oui, c'est ça. Ça vient de l'âme. Comme elle dit, elle, les psychologues, c'est une part. C'est une sensibilité à s'adapter. Seulement que si t'es psychologue, ben, moi, si je suis psychologue, même toi, j'en ferais du bien, moi, je suis psychologue. Parce que si j'étais psychologue, j'aurais le droit de traiter les schizophréniques. J'aurais le droit de traiter toutes sortes de monde dans un bureau. J'aurais pas besoin de le faire d'une autre façon. Mais comme je suis pas psychologue, j'ai pas le droit. Elle a un avantage, le psychologue. Elle peut faire des choses que moi, je peux pas faire. Mais pas dire que c'est pas bon. C'est essentiel. C'est essentiel. Non, mais c'est parce que Bernard, je sais ce que je veux dire. Tu sais, quand t'en coach, tu sais, quand quelqu'un commence à être conscient, là, bon, il parle de ça n'importe où, n'importe quand. Tu sais, il va parler de ça au bureau, il va parler de ça n'importe où, il va parler de ça n'importe quand. Tu comprends-tu? Puis c'est le fait que s'il arrive dans ça, c'est qu'on se fait fermer la gueule, ou bien là, on fait un autre job, ou bien là, je sais pas quoi. Il arrive des affaires où on a une ribande dans la peine, tu sais. Bon. Alors, nous autres, c'est comme, ils sont nés, on a quelque chose comme d'essentiellement missionnaire en fait. Le psychologue, c'est un genre de missionnaire, ça. Quand on ne peut pas être missionnaire, dans l'église, comme s'il y a eu un temps où tout le monde voulait être missionnaire. Bon, ben là, on est dans un temps où tout le monde voulait être psychologue. Tu sais, parce que la psychologie, ça marche. Tout le monde a besoin d'être psychologue. Bon, je peux t'attendre. Il y avait la maladie mentale. Puis là, je ne veux pas être correct. Bon, il y a comme un autre niveau, là, que je dirais qui est plus de la spiritualité, mais qui s'appelle maintenant la psychologie. OK? Puis il y a bien des livres décrits là-dessus, puis tout le monde parle de ça. Puis quand tu parles de supplémentaire, c'est bien fun parce qu'il y a comme un autre ligne dans ça. Où je pourrais encore utiliser supplémentaire à l'intérieur de la psychologie ou à l'intérieur de mon missionnariat quelque part. Dans toutes ces trois formes-là, dans ces deux substratums que je dirais du supplémentaire, c'est encore très, très imparfait. Tu comprends-tu? Alors, ce qui est difficile, c'est d'être juste là où on est dans le job qu'on est. Mais tu peux être supplémentaire là où est-ce que t'es, puis créer le contact là où est-ce que t'es avec d'autres personnes. Puis quand il est dénué d'émotions, ça n'a plus d'importance, que ce soit parce que t'es psychologue, que ce soit parce que t'es garagiste, que ce soit parce que t'es missionnaire, que ce soit parce que t'es n'importe quoi. Parce que t'es fidèle à ta vibration. Parce que c'est pas parce que c'est populaire que c'est bon parce que c'est congruent avec ma vibration. Tu comprends? Que personne en relation d'aide, là. C'est ça notre problème. On est tous en relation d'aide. Tout le monde est en relation d'aide. Il y a des personnes, c'est leur profession d'être en relation d'aide. C'est en ton courant pour eux autres. Parce qu'ils sont en c'est leur profession d'être en relation d'aide. Ils sont obligés de travailler contre cette vibration-là en même temps que pour. Contre la celle de l'astral, en même temps que pour faire l'intégration au plan mental. Comprends-tu? Alors, quand il y a des gens qui disent « Moi, j'aimerais ça être psychologue, j'aimerais bien ça, je pense que je vais être psychologue. » Bon, alors, s'ils sont pas collés à la vocation, c'est pas la psychologie ni d'être thérapeute. Tout le monde est thérapeute de tout le monde. Même parmi nous autres, tu sais, oh, moi je sais ça, puis moi je vois ça. Puis ça donne, on commence à avoir place dans le monde. On a juste la psychologie qui est la plus proche de cette croyance-là à l'intérieur du monde. C'est séduisant, la psychologie, dans ce niveau-là. Par exemple, il y a des gens, oui, il y a des gens qui vont se mettre à dire, ben moi, je suis thérapeute. Il y en a assez de cochonneries parmi les thérapeutes, c'est pas possible. Des gens qui n'ont pas de diplôme, qui font la thérapie à perte de, je pense, par exemple, avec une compteur, ça marche au cordon. Tu sais, ils se fourrent la tête des trucs du monde, c'est pas possible. Parce qu'ils ont une belle vision, mais pas assez à mon continue. Tout ce que je veux dire, c'est pas important les psychologues, c'est pas important rien. C'est pas important de se prendre au sérieux, c'est de jouer avec les lois du sérieux. C'est ça qu'on dit. Si quelqu'un a une vibration de la parole qui parle, mais du plancher où est-ce qu'il est, pas d'un plancher qui a été reconnu comme tel. Parce que moi, j'entends beaucoup de monde qui disent « Moi, dans deux ans, je vais donner des conférences. L'année prochaine, je vais donner des conférences. » Je ne sais pas, moi, si je vais donner des conférences. Mais la conférence, c'est peut-être une conférence un an à travailler le moteur d'un auto. C'est peut-être juste ça. Mais c'est la vibration de la parole, elle pousse le monde, tu comprends? Les personnes qui commencent à parler ont envie de parler. Mais il faut savoir ce qu'on dit quand on parle. Puis à qui qu'on dit. Puis comment qu'on le dit. Il faut avoir la compétence de le dire, il faut que ça filtre. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut savoir qu'on sait. Mais le problème, c'est quand on commence à savoir qu'on pense qu'on sait, puis on ne sait pas encore. Il faut savoir qu'on sait. Penser qu'on sait, c'est passé. Il faut savoir qu'on sait. Il faut en arriver à savoir suffisamment qu'on sait. Il faut en arriver. Moi, je suis peut-être le meilleur juge de ça avec vous autres. Quand vous me parlez, vous autres, là, puis vous savez, je sais que vous savez. Tu sais, comme on avait parlé le soir, là, la dernière fois, on savait. Quand je sais que vous savez, à ce moment-là, moi, je peux pas vous dire. Moi, je peux pas vous donner une plateforme illusoire. Puis dire, bon, ben, Hélène, va donc. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Parce que ça viendra donner des conseils au monde. Je suis pas là, hein, ça. Mais si je sais que quelqu'un est capable de faire ça ou que quelqu'un est capable de faire ça, je vais dire, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Parce que je sais déjà qu'il est capable de faire ça. Fait qu'à ce moment-là, la personne est prête à rentrer dans sa vibration. Mais il faut que la personne soit dans sa vibration. Oui. Sans ça, ça serait donner un faux espoir. Faut que tu saches par toi-même. Quand tu sais par toi-même, quand tu sais ce que tu sais, toi-même, j'ai pas même peur de le dire. Mm-hmm. Parce que c'est souffrant de le dire parce que t'as tout le rebond bon. De la vibration. C'est là que tu rentres dans la vibration. Oui. Tu rentres dans la dépression, mais tu as tout le rebound aussi de l'émotion de l'autre qui ne comprend pas. Ouais, justement, à cause de la loi d'impression. Oui, c'est ça. La loi d'impression te force dans des conditions de fermer ta gueule. Comme elle force dans des conditions de faire quelque chose. La loi d'impression va des deux bords. C'est ça. Moi, je sais une chose, que plus on avance dans la conscience universelle, je déteste ces mots-là. Moi, je l'ai rendu, je déteste tous les mots. Anyway. Plus on devient conscient, je déteste même ça. Plus on devient intelligent, plus on devient volontaire, plus on devient honnête. Là, quand t'es anonyme, si tu travailles comme psychologue, tu travailles d'une structure, légalement, c'est correct. Mais quand t'es anonyme, tes mots percent la toile de l'autre personne. C'est là que tu les amènes à sortir de leur trou. La personne n'a pas besoin de savoir si t'es supramental, si t'es pas supramental, si t'es un niveau de conscience supérieur. Tout ce que la personne a besoin de savoir, c'est que quand tu y parles, ça clique. Fait que si tu rencontres une personne puis ça clique, ah ouais, la personne va dire, hey, elle, ça clique. Elle, ça clique. C'est comme ça que tu te fais des, une clientèle qui te permet de vivre puis qui te permet de te faire sortir les gens de leur boîte. Fait que, à ce moment-là, tu as un travail, tu es créatif. Tu fais ce que tu dois faire. C'est ta vibration. Les gens ont pas besoin de savoir, t'es supplémentaire. Ce qu'on ne veut rien savoir, c'est ce que t'en dis. Là, automatiquement, ça fait son travail. Ça serait-tu que, donc, je ne peux pas parler, mais j'ai quelque chose qui m'est venu par rapport à ce qu'on pendant que l'aime, mon père. Ça serait-tu qu'avant qu'un psychologue, on parlait de manipulation tantôt, qu'à ce niveau-là, elle va cesser de manipuler au niveau des émotions, et qu'elle va manipuler avec la manipulation qu'on parlait tantôt de la loi de l'impression. C'est que ça veut dire qu'au niveau du mental, ça va se situer au niveau du mental. Ça veut dire manipuler, mais manipuler les émotions des autres avec, en dehors de mon émotion. Bon, pour moi, là, ce qu'elle dit, là, c'est souvent qu'on s'est accusé de ça, puis c'est bien correct. Parce qu'on manipule, manipuler avec la dépression, c'est savoir l'émotion de l'autre, c'est la manipuler dans le sens de la découverte de lui-même. Mais en dehors, moi, je me laisse. Si moi, je suis fondamentale, là, je ne dois plus me laisser manipuler par ma propre émotion à moi. C'est un peu comme tu parles plus devant l'oiseau qui. Un oiseau que tu as tué. D'être capable de créer des chocs vibratoires pour déplacer, faire en sorte que les émotions sont plus désajustées ou négatives par rapport au cheminement de la personne. La seule chose que tu as à dire de la personne, c'est toi, toi. Pour être capable de. Moi, je vois une personne qui est au niveau d'émotion 5, peut-être à 10, c'est-à-dire que j'en suis sorti. Donc, quand Hélène disait, là, je ne peux plus faire des émotions. Je suis capable de descendre au niveau 5, je peux présenter un petit peu le numéro 6. Et si je donne du 10, je le perds. Et pour ça, il faut que je connaisse toutes les lois de plan. Plutôt que tu t'ajustes au niveau de vibratoire avec d'autres personnes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Plus. Toujours au niveau de vibratoire avec d'autres personnes. Tu sais ça, tu sais. Vibratoirement, tu le sais. Mais si tu disais à des psychologues en conférence, si tu commençais à parler de la psychologie supramentale, tu créerais automatiquement des blocages. Faut jamais que les gens savent que tu fonctionnes dans ce cadre de conférence. Parce que quand on dit, quand on emploie le thème supramental, tu te reconnais pas. Autrement dit, on catégorise un autre niveau d'intelligence pour la séparer de l'autre, pour expliquer qu'elle ne fonctionne pas de la même façon que l'autre. Mais quand tu travailles en psychologie, tu rencontres des psychologues, puis si tu leur parles de la psychologie supramentale, tu vas les aliéner parce qu'eux autres vont se sentir automatiquement. Oui, tu l'as pensé. Non, mais menacé. Automatiquement, ils vont se sentir menacés. Ils deviennent des études. Là, ils forment une sorte de séparation. Il ne faut pas que les séparations. C'est ce que je dis, il faut être anonyme. Mm. Je voulais revenir un petit peu sur l'affaire de. Sur l'affaire de l'âme. En relation avec la loi des impressions. L'âme ne cherche pas à donner à l'ego. L'intelligent. La vibration en dedans qu'on ressent quand on grandit en conscience ne cherche pas à donner à l'ego l'intelligent. Parce que cette vibration-là est une vibration qui est totalement neutre. C'est qu'un feu qui allume les centres d'énergie. Mais quand la vibration elle passe par le mental ou elle passe par le centre émotionnel, elle crée une réaction. Si elle est forte. Quand elle passe dans le mental, elle crée une réaction. Quand elle passe dans l'émotionnel, elle crée une réaction. Quand elle passe dans le mental, la réaction qu'elle crée, c'est le doute. Parce qu'elle fait vibrer la mémoire de l'ego. Il faut que l'ego se check. Il détruise le doute. Autrement dit, qu'il détruise la mémoire. Qui est à la source du doute. Si elle passe dans l'émotionnel, elle crée un choc émotionnel. Elle fait souffrir l'ego émotivement et elle empêche l'ego de se nourrir de son énergie. De sorte que vous allez vous apercevoir dans la vie que si vous souffrez trop, vous allez perdre la capacité créative. Tu ne peux pas être créatif et souffrir au niveau du plexus solaire. Ça va te mettre, vous autres, vous appelez ça de mettre la batterie à terre. Quand tu souffres trop, là, t'es pas capable. Y en a-tu qui comprennent ce que je veux dire? La batterie est à terre. Fait que dans ce temps-là, c'est pour ça qu'avec le temps, t'en arrives à développer la volonté pour tuer, pour empêcher cette vibration-là de descendre dans le plexus solaire. Exemple. Supposons que chaque fois qu'il y a un créancier qui vient chez vous, tu viens visite, tu souffres. Puis le téléphone sonne, t'as une tension, le bel téléphone va t'appeler, il va dire, madame, vous nous donnez 50 pièces de téléphone, tout ça. Puis là, toutes tes petites dettes qui t'appellent, toutes les créanciers qui t'appellent, les petites dettes, tout ça. À un certain moment, pour tuer la vibration ici, qui t'empêche d'être créatif, qui te met à mettre à terre, faut que t'attues la vibration. Puis avec une façon de tuer la vibration, c'est de trouver un moyen d'épayer tes dettes. À quelque prix que ce soit. Même au prix d'aller dans une vacance. Même au prix d'aller t'acheter un chapeau, paye tes dettes. Quand tu vas avoir payé tes dettes, la vibration ici, elle va cesser. Tu vas refonctionner dans le mental, tu vas être bien. Si les gens fonctionnaient ici, les gens ne souffriraient jamais. Mais aussitôt que la vibration de l'âme descend ici, les gens souffrent, puis les gens perdent leur créativité. Puis la raison pour laquelle les gens ne sont pas créatifs. Puis là, je parle pour vous, la voix de la blonde. Là, vous. Ce qui bloque, ce qui a arrêté cette fermentation-là, ça a été ça ici. Là, ça commence un petit peu à se dégager, là. Fait que là, ça commence à marcher, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est universel pour tout le monde. Si vous avez des tensions ici, organisez-vous, checkez qu'est-ce que c'est ici qui vous fait vibrer. La moindre chose qui vous fait vibrer ici, ça va couper votre énergie créative. Le mental supérieur ne peut pas fonctionner quand ici, ça brouille. L'angoisse. À quel niveau que ce soit. Fait que vous devriez être capable, avec ce que vous savez, de checker toute votre patente, site, là, puis de mettre la hache dedans, puis automatiquement, vous allez revenir dans l'énergie, site, vous allez fonctionner. Pour mettre la hache dedans, c'est-tu juste intérieurement où il faut faire une action, faut que tu vois l'action qu'il faut faire, soit comme payer les dettes, okay. Question. La question est intéressante, puis est bonne. Tu peux pas mettre la hache dedans tant que t'as pas assez souffert. Puis je vais vous dire pourquoi. Tu peux avoir la meilleure intention au monde. Tu peux le voir, le problème. Mais il faut qu'il arrive une crise, il faut qu'il arrive une situation, il faut que ça pète. Il faut que tu sois plus capable d'en prendre. Là, tu mets la hache dedans. Le temps que tu souffres, on dirait que tu ramasses l'énergie. Tu ramasses l'énergie pour le faire. Exactement. Ça marche? Tu mets dedans quand tu prends une décision. Quand tu prends une décision. Tu peux pas fonctionner dans la vie si tu prends pas tout le temps les décisions. C'est très important l'angoisse parce que c'est important parce que c'est ça qui crée la volonté. C'est ça. Exactement. L'angoisse crée la volonté. Tu vois qu'en psychologie, ça se tient pas, hein? La psychologie mécaniste, là, ça tient pas, ce concept-là. Parce que dans la psychologie mécaniste, l'angoisse détruit la volonté, mène à la dépression. Dans la psychologie du supramental, l'angoisse crée la volonté. Tu vois comment c'est au bout, hein, l'affaire de la séparation? C'est pour ça que si jamais tu expliques tes idées à un psychologue, t'es mieux d'être bien complète dans ce que tu expliques, parce que ça clique pas. Mais faut qu'il vive. Mais c'est parce que le monde, là, pour découvrir la différence, le discernement, là, pour découvrir la différence entre l'angoisse qui est interne, que moi, en tout cas, je dis pas au monde, toquer avec votre lumière en dedans. Mm-hmm. Fait puis la peur. La peur, ça, c'est toujours externe. Peur, les peurs phobiques, là. Mm-hmm. Peur de manquer, d'avoir la peur de perdre la face. Peur de perdre la face à n'importe quel niveau. Ce soit, c'est toujours la peur de perdre la face à l'héroïne. Mm-hmm. Peur de crier dans l'ascenseur, peur de venir au-dessus de l'escalier de l'air, peur de passer dans le tunnel. Mm-hmm. La peur, ça joue contre nous autres. Le vrai effet de par la peur. Mais l'angoisse, il faut pas couper le walkie-talkie d'angoisse parce que c'est la source qui va nous faire prendre une décision quelconque. Faut être capable d'être intelligent dans l'angoisse. La peur paralyse l'intelligence. L'angoisse, c'est active la volonté. L'intelligence. Elle fait vibrer l'intelligence, elle active la volonté. Que tu vois clair à quelque chose, là, tu prends une la décision. Décision. Au lieu de prendre une pilule, tu prends une décision. C'est ça. Le jeu de. En tout cas, OK, je veux mettre un point ici, là. Tu dis, au lieu de prendre une pilule, tu prends une décision. Les gens, ça, c'est bien, c'est ça qui est bien mauvais. C'est que les gens, là, quand les gens sont dans l'angoisse, là, sont dans l'angoisse, là, au lieu d'attendre qu'elle pète, qu'elle puis là, là, qu'ils voient clair, là, qu'ils prennent la décision, ils prennent une pilule. Fait que là, ils changent le site de l'angoisse. Ils la renvoient à rien, puis ensuite, elle recommence encore. Ils prennent une autre pilule, ils la renvoient à rien, puis elle recommence encore. C'est ça que les gens. Attendre qu'il y ait l'angoisse de la pilule. Ouais. Puis ensuite, il y a l'angoisse de la pilule, et si tu veux, t'arrêtes pas. L'angoisse qui est l'angoisse, et ainsi de suite. Il est bien important, ce point-là. Mais l'angoisse, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser. Mais m'en est-ce qu'on l'utilise? En tout cas, moi, je pense que même si la personne coupe son angoisse avec la pilule, elle est nouvelle. Elle n'élimine pas. À un moment donné, elle devient angoissée de prendre la pilule. Puis là, il faut travailler la décision de prendre la pilule. Ouais. C'est assez ambitieux. Ouais. C'est juste de reporter. C'est reporté, c'est ça. L'angoisse doit servir. Si tu es intelligent, si tu sers ton walkie-talkie, comme elle dit, elle, t'as toujours la connexion avec en dedans, l'angoisse est là. Éventuellement, la pression est tellement grande que là, tu prends ta décision. Bah! Tu mets l'angoisse à terre, tu changes ton niveau de toi. Il n'y a pas d'autre façon de devenir centré. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas, tu ne peux pas devenir centré sans être angoissé. Mais si tu développes un peu de volonté, tu vois venir, ben au début, tu vois venir l'angoisse, puis tu prends la décision avant que l'angoisse devienne trop vite, dans le perpète dans le bas. Pas l'angoisse. L'angoisse. Le concept allemand, angst. Angst. L'angoisse profonde sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Pas les situations psychologiques de vie. L'angoisse profonde, là. C'est vibratoire, ça. Puis elle tient cette vibration-là tant que toi, tu ne la pètes pas. Moi, je l'ai vécu l'angoisse, puis je l'ai pété dans mon automobile. J'étais avec ma femme, puis quand elle est sortie de moi, là, je l'ai pété en criant. Je l'ai fait le filet au fond, et c'est maudit. Il m'a sorti une boule, là, c'était gros comme un boulet de canon. Puis elle est sortie, là, puis je l'ai senti. Elle est sortie. L'angoisse, c'est réel, puis c'est physique. Dans la souffrance de fusion, elle est devenue la boule, puis ça y est. C'était comme un boulet de canon. L'angoisse, mon cher. Mais même si quand je parle de l'angoisse, là, je parle de l'angoisse de l'âme. C'est le pouvoir de l'âme sur l'ego. Quand je parle de l'angoisse, là, je parle du pouvoir de l'âme sur l'ego. Ça a ce rapport avec des situations de vie, telle dette à rencontrer, telle ci, telle ça? C'est lié avec des situations de vie, puis c'est toujours lié à des situations de vie qui ne sont pas résolvables tout de suite. C'est ça. Si t'es pas capable de le résoudre tout de suite, t'as beau regarder à gauche pas à droite, il n'y a pas de réponse. Non. T'es pas lié avec une femme, tu l'aimes pas, elle te mange le dos, t'es pas capable, tu peux pas t'imaginer comment en sortir parce qu'il y a les enfants, maman, l'angoisse. T'es pas lié avec une dette, hein, tu fais 2$, il faudrait que tu fasses 20$, t'es pas capable. Tu sais pas, toi, tout à l'heure, tu vas avoir le mythe au Québec. Elle sait, mais toi, tu sais pas. Fait que t'es dans l'angoisse. Comprends-tu? Là, c'est une vibration de l'âme sur l'ego. C'est la tension du vibratoire. C'est ça. Exactement. Mais ça a l'air que c'est à l'intérieur d'une affaire physique qui est C'est toujours en relation avec une affaire physique. Ça n'a pas de mieux. C'est toujours en relation avec une femme quelconque. Mais ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Exactement. Ça, c'est bien dur à voir, la subtilité de là. C'est au fond, c'est ça la subtilité que l'on parle peu. Exactement. Exactement. Puis ils l'ont vraiment compris. Parce que les autres sont toujours demeurés au niveau de la forme. Alors, ils ont développé l'existentialisme de la forme, puis ils sont arrivés éventuellement à l'absurdité, puis il n'y a rien d'absurde dans la vie. Tout est très intelligemment organisé. Celui qui est absurde, c'est l'art. Mais un coup que tu le sais, ça, t'es-tu obligé de te laisser embarquer là-dedans? Un coup que tu le sais, c'est là que tu commences à sortir de ton trou. C'est là, c'est ça la conscience. Sais-tu qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est de l'intelligence créative. Pas plus, pas moins. Là, j'en parlerai pas un jour de conscience parce qu'il commence à me fatiguer ce mot-là. Parce que ça sent encore trop la conscience, spiritualité, pas mal. La conscience, c'est de l'intelligence créative et de la volonté. C'est ça de la conscience. Dans la conscience, il n'y a pas d'amour. Mais dans l'intelligence, là, c'est la lutte contre le plan des esprits. L'intelligence, c'est la lutte contre le plan des esprits. Exactement. Parce que c'est. Tu sais, quand on parle de. On voit ce symbole. Puis la lutte contre le plan des esprits, tu dis le plan des esprits, puis juste qui se situe le plan des esprits sur le plan astral. Eh oui, sur le plan astral, puis dans l'homme, sur le plan astral, c'est les mots qui valent l'intention. Il y a assez de monde qui ont les bonnes intentions, puis il y a des bonnes intentions, puis des bonnes idées. Puis l'intelligence, c'est la capacité de sortir les bonnes intentions du plan astral et de les matérialiser sur le plan concret. À partir du moment où il y a une bonne intention qui est restée ici, là, puis qui est restée là, là, ça n'a pas servi à personne que c'est une bonne intention, ça. Mais quand j'ai une intention que je suis capable de matérialiser concrètement dans l'immédiat, là, que je lisse devant l'intention-là, il n'y a plus de forme de Est-ce que tu sais, quand on parle du plan des esprits, là, les esprits, les égos, puis tu vas avoir les égos, puis tu vas avoir les esprits qui me pénètrent dans la tête, qui jouent avec moi, là. Moi, dans l'homme, le plan des esprits, dans l'homme, là, ce sont ses bonnes intentions. Mm. Ou ben donc, c'est mauvaise. Mais pour les champs spirituels, c'est des cristilles de bonnes intentions. C'est bien subtil ce que tu dis, c'est. Parce que c'est exactement ce que c'est. Les bonnes intentions viennent du plan de des esprits. Ah, on va aller bien plus loin que ça. Tout ce qui est lié à la bonne volonté dans l'homme, ça vient du plan des esprits. C'est pour ça que moi, il y a quelqu'un qui me connaît pas. Il dit, qu'est-ce que c'est ce que l'homme? Comprends-tu? Parce que tout ce que l'homme considère bonnes intentions, bonne volonté, je m'arrache dedans. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est l'intelligence. Puis l'intelligence. Ça, c'est bien, j'en reviens sur ça, parce que c'est bien important, ça. Je n'ai jamais expliqué de même. Que les bonnes intentions viennent du plan des esprits. Ceux qui comprennent ça, là, c'est une clé fantastique. C'est le parasite. C'est le parasite. Le parasite, c'est que là, comment ça empêche... Le développement de l'intelligence, tu l'as remarqué? Ça empêche ça, ça paralyse l'homme, puis ça l'empêche de produire sur le plan matériel complet. Non, oui, c'est ça. Ça empêche d'avoir fait de l'intelligence. Donc, ça dépend de la définition qu'on donne de bonnes intentions. Si tu dis bonnes intentions, en sens. Quelle que soit la définition que tu y donnes. Quelle que soit. Moi, j'en ai. Moi, ça n'existe même pas avec moi des bonnes intentions. J'en ai pas les bonnes intentions. Non, mais bien vivre, c'est une bonne intention, non. Ça. Bien vivre, c'est une façon de vivre intelligente. C'est différent. Voilà. Tu fumes, t'as pas la bonne intention d'arrêter de fumer, Exact. Bonne intention. Ça, c'est subtil. Je vais en parler, je vais faire une cassette. Les bonnes intentions. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. C'est pour ça que c'est bien important qu'on parle. Parce que c'est un qu'en parlant qu'on apprend. Ouais. C'est un en parlant qu'on apprend. On peut pas apprendre sans parler. Les bonnes intentions, là, c'est ce qui garde les relations que moi j'ai avec les enfants. Hey, j'étais allé à la banque, toi, ouais, je suis allé à la banque. J'étais après gris. Le gérant de banque, tu devais me mettre là. La loi d'impression. J'ai dit, abonnez-vous. Il dit, non, mais trop bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné, puis je suis allé m'en acheter un autre. C'est soufflé d'avoir l'impression. Fait que j'ai fait un lien avec mourir dans le bar. Fait que tu comprends que si je vais à vendre pour y envoyer de l'argent, il est mal à l'aise. C'est ça avec les gens. Si t'es conscient, j'aurais pas besoin de vous aller m'appeler. C'est la vérité, maintenant, est-ce que tu vas t'en aller? Mais sois pas conscient, t'es obligé de te saluer dans l'intérêt. T'es une année, je m'en ai fait. Non, on est c'est vrai, mais tu te manges. Je me comprends. Hé, on va-tu manger, bébé? Ouais. Comment? T'en parles sur l'un des intentions? Oui, t'es bon, il est pas des intentions. C'est vrai, c'est vrai. Ça se tant que tu penses que t'as des bonnes intentions, t'as des bonnes, t'as des mauvaises intentions, t'es en connexion avec la situation. Ça fait partie de ton expérience. C'est long, je parle. Et bon, là. Est-ce que c'est possible que le jeu d'anxiété soit moins grand, t'embarques moins de temps ou du moins mon anxiété va être un peu moins longtemps? Tous les sujets sont plus vite. C'est pas trop mal non plus. Laisse-moi je ok, je vais partir sur ça. Sur quoi? Elle me demande si, quand tu rentres dans la conscience... Quoi, c'est ça? Quand tu rentres dans la conscience, l'anxiété dure moins longtemps. Je suis peut-être un peu plus vite. Quand... ok. Là, je vais diviser la conscience. Il y a trois étapes à la conscience. La première étape à la conscience, c'est la conscience spirituelle. La deuxième étape à la conscience, c'est la conscience psychologique. La troisième étape à la conscience, c'est la conscience pure. Au niveau de la conscience spirituelle, il n'y a pas tellement d'anxiété. Il y a un bon feeling. Au niveau de la conscience psychologique, l'anxiété commence. L'anxiété, au niveau de la conscience psychologique, elle dure jusqu'à temps que la conscience psychologique est totalement détruite. Quand la conscience psychologique est détruite, à ce moment-là, vous rentrez dans la conscience pure. Mais pour rentrer dans la conscience pure, il faut que la conscience psychologique soit détruite, parce que pour rentrer dans la conscience pure, il faut que l'ego soit totalement neutralisé dans ses intentions personnelles. Dans la conscience pure, l'ego ne peut pas avoir d'intention personnelle. L'ego peut être créatif, mais il n'y a pas d'intention personnelle, dans ce sens que dans la conscience pure, l'ego est totalement uni vibratoirement à l'énergie de l'âme. Et il est capable d'absorber toutes les intuitions possibles. Mais quand est-ce qu'il y a à voir, donc? De l'intelligence universelle. Oui. Oui. Mais l'anxiété qui est la souffrance vibratoire de l'âme sur l'ego, provenant du fait que l'ego ne peut pas faire ce qu'il veut, autrement dit, provenant du fait que l'ego a une certaine souffrance à vivre, ça fait partie de la conscience psychologique. C'est seulement quand ça a été détruit, où il n'y a plus d'anxiété, que l'ego rentre dans la conscience pure. Une fois qu'il est dans la conscience pure, l'ego ne t'appartient plus. Parce que l'ego n'a plus le droit à la vie matérielle.

communique avec chacun de ces individus. C'est là que le passage. Alors, l'anxiété, vous pouvez vous attendre à avoir une anxiété plus ou moins grande. C'est ce que je dis souvent, les gens là, qui sont moindrement intelligents. C'est ce que je disais tout le temps, l'essentiel, c'est de travailler, avoir du vêtement à la maison. Je reviens tout le temps à ces quatre points-là de la vie. Parce qu'une fois, que vous n'avez plus de problèmes psychologiques, puis que vous fonctionnez simplement matériellement, c'est subtil ce que je dis là. Quand vous n'avez plus de problèmes psychologiques, là, que vous fonctionnez immatériellement, à ce moment-là, vous pouvez faire une vie plaisante. Mais si vous avez des problèmes psychologiques, il faut que ces problèmes psychologiques-là soient transmutés en conscience psychologique. Puis ensuite, là, vous pouvez vivre comme du monde. Parce que ce qui vous empêche de vivre comme du monde, c'est votre inconscience psychologique. Il faut que vous rentriez dans la conscience psychologique. Une fois que tu es dans la conscience psychologique, tu es bien parce que tu n'as plus de bébite dans la tête, tu n'as plus de problème. Tu peux avoir des petits niveaux d'anxiété de temps en temps, mais ça, tu t'es contrôlé. Tu sais pourquoi, tu le sais. Tu marches dedans, puis whoop, tu marches dedans. Puis éventuellement, tu marches dans toute la gang. Là, t'as la peine. Parce que ce qui détermine notre relation avec la matière, c'est toujours notre niveau de conscience. Plus notre niveau de conscience change, plus notre relation avec la matière change. Fait qu'éventuellement, quand le niveau de conscience est suffisamment élevé, pour libérer l'esprit dans l'ego, là, vous êtes libre à ce moment-là de changer de plan, quitte à revenir en matière. Mais à explorer les dimensions des univers parallèles qui suffisent à vous informer, à vous instruire dans la constitution des mondes futurs, des mondes qui sont invisibles à l'œil de l'homme. Ça peut supporter pendant des années de temps. Tu peux vivre là-dedans pendant des centaines d'années. Jusqu'à temps que tu passes complètement d'autre. Mais l'anxiété, il y en aura toujours un petit peu. Il y a toujours une petite quelque chose. Il y a tout. Mais c'est pas nécessairement grave, mais ça dépend.